Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Duo si vous nous rejoignez en ce troisième jeudi de ce mois de février. Pour tout vous dire, une émission préenregistrée, mais vous êtes bien avec l'émission consacrée au GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Une émission mensuelle depuis plusieurs saisons maintenant. Le GREMOS qui a toujours pour objectif, bien sûr, de nous faire découvrir le monde ouvrier qui a tant contribué à façonner aussi le bassin industriel stéphanois. C'est aussi grâce à ce travail de collectage finalement de témoignages, un travail de partenariat avec de nombreuses institutions et autres acteurs locaux que le GREMOS participe finalement à ces réflexions et débats sur les mouvements sociaux actuels, un travail d'édition et de publication également. Également un travail de mise en place autour de rencontres d'histoire ouvrière qui d'ailleurs a eu lieu dès l'année suivant la création fondation de l'association GREMOS, c'est-à-dire 2008. Sixième rencontre d'histoire ouvrière qui ont pu se tenir partiellement en janvier 2020. Une journée qui a dû être annulée, une deuxième journée. Et nous vous proposons, après l'émission déjà du mois de janvier, de revenir sur ces interventions finalement qui n'ont pu se tenir physiquement l'année dernière. On vous en fait proposition radiophonique. On vous rappelle que ces sixièmes rencontres d'histoire ouvrière portaient sur le congrès de Tours et ses suites dans le monde ouvrier en France et dans la Loire. Alors on parlait de partenariats nombreux pour le GREMOS. Le cas avec le CEDMO 42, puisque le GREMOS s'associe régulièrement aux initiatives de l'Institut d'Histoire Sociale CGT Benoît Frachon et du CEDMO 42. Et c'est précisément en la personne de Daniel Durand que le CEDMO 42 est représenté aujourd'hui, aux côtés de Jean-Michel Stenner, du groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, pour mener cette émission aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour Lionel. Une émission donc spéciale consacrée à ces rencontres d'histoire ouvrière version radiophonique 2021. On va revenir sur ce congrès de Tours, sur ces rencontres d'histoire ouvrière et puis une des interventions donc avec Daniel Durand qui était prévue lors de ces rencontres dernières qui n'ont pu se tenir pour diverses raisons, à la fois manifestations, à la fois situation de Covid et conditions sanitaires un peu particulières. Et il s'agissait d'aborder là l'histoire un petit peu aussi des politiques locales, l'histoire des municipales, ce qui va être un petit peu le contenu et ligne rouge de cette émission aujourd'hui. Tout à fait, Lionel. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous les auditeurs. Donc Daniel devait intervenir dans la seconde journée sur la question des municipales et de la participation ou du rôle que le Parti communiste a joué dans les municipalités stéphanoises à certaines occasions. Alors, tu as intitulé ton intervention « Municipale 1935-1977, réflexion sur un paradoxe stéphanois ». Donc, tu vas nous parler de ce paradoxe et puis tu vas peut-être revenir un petit peu sur chacun des contextes. Oui. Pourquoi je parle de paradoxe stéphanois? Ce n'est pas seulement moi, c'est beaucoup d'historiens stéphanois qui ont pointé le fait que Saint-Étienne est une ville largement ouvrière au XXe siècle et au XIXe siècle, et que dans cette ville ouvrière, celle-ci s'est donnée généralement des maires de centre droit ou gauche, suivant les individus, suivant les époques. On peut citer les Durafour, père et fils, Antoine et Michel. Enfin, on peut citer plus récemment François Dubanchet ou avant Alexandre de Fraissinette et Michel Soulier. Dans le courant républicain socialiste, donc une des fractions du Parti radical. Et dans cette histoire donc de domination, en somme de présence centriste sur Saint-Étienne, il y a deux exceptions majeures pour moi. Ce sont les municipalités de 1935 et 1977. 1935, où c'est un... J'ai dit Michel. Louis Soulier. C'est Louis Soulier. Waouh. C'est Louis Soulier, donc qui est maire républicain socialiste, qui a été maire dans les années 20, lors de premier mandat, et qui ensuite va revenir au pouvoir. En somme, a été élu en 1935, mais à la suite d'une fusion entre les deux tours avec la liste communiste, qui est conduite par Barthélémy Ramier. Et on va donc avoir une municipalité avec un maire donc radical pour simplifier, républicain socialiste, parce que Jean-Michel branle la tête, effectivement, si on veut être très exact, et un premier adjoint communiste. Et sur la base, et avec une entente sur des projets où, disons que, dans cette municipalité, les communistes vont jouer un rôle, vont vouloir jouer un rôle, y compris dans la gestion. Non sans débat, on y reviendra. Et on a un deuxième exemple, 1977, où là, donc, après une série, donc, de maires centristes, pour faire court, dont Alexandre de Freycinet et Michel Durafour, on va voir, donc, élire un maire communiste, secrétaire de l'UDCGT, membre du comité central du Parti communiste français, c'est Joseph Sandels, avec un premier adjoint, qui est Paul Chaumat, qui est le secrétaire du comité de ville du Parti communiste français de Saint-Étienne et qui a été élu conseiller général l'année avant, en 1976. Donc, en liste, donc, sur une base à l'époque du programme commun de la gauche, donc avec participation donc, du Parti socialiste, d'élus du Parti socialiste dont le leader est à l'époque Bruno Benin, et de radicaux de gauche, puisque le parti radical s'est séparé entre radicaux de gauche et radicaux valoisiens. Donc un parallèle, je te coupe, un parallèle qui est intéressant, parce qu'en 1935, la tête de liste est quand même centre-gauche, Louis Soulier, oui. Parti républicain socialiste. Les communistes sont pas une force d'appoint, mais ils sont quand même pas majoritaires, alors qu'en 1977, la tête de liste est communiste. La situation s'est renversée. Il y a un basculement qui est intéressant. Alors je prends les deux, on peut me faire remarquer qu'il y a eu d'autres situations ambiguës dans ce siècle, hein, dans ce 20e siècle, puisqu'en 1919, il y a une municipalité Soulier. C'est la première municipalité Soulier, tout à fait. C'est la première municipalité Soulier qui est élue avec un premier adjoint socialiste qui s'appelle Ferdinand Fort. Voilà. Et un an après, Ferdinand Fort fait partie des initiateurs créateurs dans la Loire du Parti communiste. Donc, il devient communiste. Mmh. Donc, de fait, à partir de 1921, on peut dire qu'il y a une municipalité avec un maire Soulier radical, un républicain de gauche et un premier adjoint, de fait, communiste. Mais, et Antoine Durafour, il ne faut pas l'oublier. Radical. Et un radical, Antoine Durafour. Mais le contexte de cette élection fait qu'il n'y a pas eu une réflexion politique. Non. C'est en somme les tribulations de l'histoire qui font qu'on a cette situation. De même, on a une autre situation qu'on pourrait aussi un peu comparer à la Libération. Puisque dans le cadre donc des nominations du comité de libération, le premier adjoint du docteur Müller Claudius Buard, qui est un des porte-parole du Parti communiste de la période, qui serait lui-même sénateur, conseiller départemental, etc. Là encore, une situation de fait liée au rapport de force et à la sortie de la guerre, qui ne résulte pas d'une réflexion politique, et au fait qu'on pourra même dire, certains diront que Buard, même premier adjoint, va se comporter en opposant du maire dans les deux ou trois années qui viennent. Donc, là encore, on n'a pas vraiment une construction réfléchie à la différence de 35 et de 77. Voilà. Oui, oui. Simplement, ce que je veux signaler pour les auditeurs, c'est qu'à chaque fois, 1920, 1935, 1945, 1977, on a une municipalité qui marche sur trois pôles qui sont plus ou moins importants. Un pôle gauche, un pôle centriste et un pôle centre-gauche. Donc Parti radical, Parti républicain socialiste et ses filiaux. À la Libération dont tu viens de parler, le centre, c'est plutôt le MRP, il ne faut pas l'oublier, c'est une donnée nouvelle. Par contre, en 1977, on revient à une configuration de type Front populaire, de quelque sorte. Alors, ce qui m'intéressait, c'était quand même de voir ces deux périodes, 35-77, qu'est-ce qui avait permis cette émergence, en somme, aujourd'hui on parlerait presque de pôle de radicalité, de deux municipalités donc très à gauche, de fait, de la présence des communistes. Pourquoi? Quelles conditions? Donc j'ai essayé, dans l'intervention que j'avais préparée pour le colloque, de voir tous les facteurs qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a eu cet événement. Je dis que j'ai essayé de regarder, donc d'examiner les différents facteurs qui peuvent expliquer cette situation et de voir si vraiment on peut dégager des traits communs, même si en histoire il faut toujours être très prudent sur les ressemblances ou les similitudes historiques. Hein. Alors j'ai examiné le contexte national, le contexte social, le contexte politique, les positions des différentes forces politiques, la droite, le centrisme socialiste politique, et puis également les évolutions donc, des uns et des autres, et notamment, puisque l'acteur enfin, nouveau ou majeur dans les deux situations, c'est le Parti communiste, voir sur quelle évolution il est, sur quelle pente il est dans les mois et années précédentes, et puis j'ai également essayé de voir si on trouvait des choses similaires ou intéressantes dans les rapports avec les différentes couches sociales, c'est-à-dire les ouvriers, donc la classe ouvrière dans les deux cas, mais les autres couches moyennes et les différentes forces sociétales, intellectuelles, à Saint-Étienne chrétien aussi, voilà. Et peut-être... s'il y a eu des événements extérieurs similaires qui ont pu être des éléments, disons que, non pas déclenchants, mais déterminants, voilà, déterminants, dernière analyse. Alors, si on va aller très vite, je pense que si on prend le contexte national, on peut dire que dans les deux cas, on est dans des contextes nationaux plutôt favorables à une idée de changement vers des idées progressistes. 35, on est devant la montée des prémices de ce qui deviendra le Front populaire. En 1934, il y a déjà eu en été une grande réunion commune, CGT, Parti socialiste, PC, etc., jetant un peu les bases des idées du Front populaire, en dehors du processus national, hein, donc des choses très départementales aussi. On est dans en 77, 77 se situe dans un contexte aussi très particulier au niveau national. Il y a une montée du rejet du giscardisme, de l'ordre social, qui s'était manifesté déjà en 68, mais qui continue d'un sentiment d'une société corsetée. Et il y a eu donc l'événement du rapprochement des partis de gauche avec la signature du programme commun, même si très vite il y aura des difficultés après 1977. Donc contexte plutôt positif, voilà. Favorable dans les deux cas. Le point commun, c'est effectivement que la gauche retrouve le chemin de l'union alors qu'elle était divisée précédemment. Alors ça, voilà, ça c'est la question sur les forces, le plan politique, des forces politiques. Hein. Je voulais aussi, toujours au niveau, disons, général, à la fois national et départemental, aussi, dans les deux cas, sur le plan social, on est dans une période où ça bouge au niveau social. En 35, les années, on est... En somme, dans les années de l'après-crise de 1929, hein, on sait que les conséquences de cette grande crise boursière, financière et ses conséquences dramatiques sur la montée du chômage partout aux États-Unis, en Europe et tout, à Saint-Étienne, on est le nombre de chômeurs est considérable et il y a une agitation, une organisation, une montée de la protestation de ces chômeurs. Et c'est sur ce terrain que la CGT unitaire est la plus active. Et dans ses militants, évidemment, sont les militants communistes qui sont en pointe, et notamment le secrétaire de l'UDCGTU, Marcel Thibault. Et Ramier en fait partie. Par exemple, on peut dire en 1930, il y a une manifestation de 3000 chômeurs qui se déroule avant un conseil municipal et qui va aboutir à ce que le maire, qui est encore Soulier, Soulier. Je crois, il me semble que c'est encore Soulier, va faire voter immédiatement au conseil municipal une très forte indemnité pour les chômeurs. L'élection du Durafour, c'est août 1930. Oui. Et de la même manière, dans les années 70, on connaît dans le département une époque de restructuration, de fermeture d'entreprises, de conflits du travail qui ont la caractéristique d'ailleurs tous d'être très durs de la part du patronat. Il y a un durcissement du patronat local, du patronat des PME, et dans des plus grosses entreprises, on va avoir l'occupation de Peugeot et la réaction de la direction qui va faire évacuer par des nervis. En 73. Dans les années 75, on va avoir des protestations syndicales et politiques sur l'emploi, sur le thème de l'avenir du département qui vont monter, qui vont grossir. On va avoir des manifestations qui vont commencer à rassembler plusieurs milliers et qui vont durer jusque en 1980, avec la Loire veut vivre, etc., qui aura lieu après 77. Et juste avant 77, on a un conflit national qui a des répercussions à Saint-Étienne, c'est le conflit du Parisien libéré. Il y a Manu France aussi. Manu France commence. C'est l'annonce du risque d'un plan de redressement qui amènerait 700 emplois. Et on a dans les deux cas, dans les années 30, disons qu'une perte de légitimité, si on veut dire, ou de crédit des forces de droite. De la municipalité de droite qui a repris le pouvoir à Saint-Étienne, la municipalité Vernet est très contestée, elle se droitise, elle se rapproche des croix de feu. Et à Saint-Étienne, Michel Durafour, bien que centriste au départ, est en train, se droitise aux yeux de l'opinion, et il devient de plus en plus ministre du chômage. Il a, du fait du conflit du Parisien libéré, il y a des manifestations nationales des ouvriers du livre, etc., à Saint-Étienne. Et juste avant les élections, il va être en plus face à un conflit local qu'il n'arrive pas à gérer correctement, c'est celui des sapeurs-pompiers, ce qui a beaucoup d'influence, parce que les sapeurs-pompiers, évidemment, représentent aux yeux de la population quelque chose. Voilà, donc contexte social dans les deux cas, et droite en difficulté dans les deux cas. Et alors, donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les similitudes ou les mouvements parallèles au niveau des forces de gauche, on va dire, au niveau des forces de gauche. Moi, je pense que dans les deux... si l'on prend le PC, dans les deux cas, on est pour des raisons différentes, mais quand même, on assiste à une montée, un élargissement des bases militantes et donc électorales du PC. Dans les années 30, le PC sort de toute sa période très étroite, très sectaire de lutte lutte classe contre classe, qui va l'amener dans les élections, y compris au deuxième tour, à se maintenir contre des candidats socialistes, radicaux ou républicains socialistes. Qui génère une première forme d'anticommunisme dans une partie de la gauche modérée stéphanoise. Tout à fait, tout C'est important de le souligner. Parce que Soulier va justement avoir un autre regard là-dessus. Continue. D'accord. Tout à fait. Et par contre, aux alentours donc des années 30, 2004, on va dire que la position commence à évoluer. Se pose maintenant la question du désistement éventuel au deuxième tour pour le candidat de gauche arrivé en tête. Hein. Et c'est, on aborde l'année 35. Il y a des élections, par exemple, de conseil d'arrondissement. Marcel Thibault va être élu conseiller d'arrondissement en début d'année, en février, je crois, 35. Mmh. Hein. Et ça va se poser, en somme, l'arrivée des communistes au poste électif, donc à une institutionnalisation un peu hein, de l'activité du Parti communiste. Et en 77, c'est un peu, on est dans une situation complètement différente, mais le PC sort d'une traversée du désert des années de post-58 après l'arrivée de Gaulle, du général de Gaulle, où il va donc reculer nettement sur le plan électoral. Et le fait de la signature du programme commun en 1972, sa présence de nouveau, la remontée des luttes sociales de manière générale, va lui permettre de regagner des positions dans la Loire, avec l'élection de nouvelles municipalités, la reprise de municipalités communistes comme Alaric Amary. Il a même un conseiller général à Saint-Étienne dans une triangulaire avec Michel Olagny en 67. Et en 71, il gagne la mairie de Firminy contre Jean Claudius Petit avec le secrétaire départemental qui est Théo Vialmassa. Et donc... les élections législatives de 73 voient des progressions très nettes des chiffres des candidats communistes. Et 76, à Saint-Étienne, deux conseillers généraux sont élus, Paul Chauma, Lucien Arnaud, et donc qui montrent que le PC est sur une dynamique électorale ascendante. Et c'est la même chose dans sa question de l'implantation. Il est actif dans les mouvements sociaux. Et ça se traduit dans ses effectifs. Le rayon de Saint-Étienne en 1930 va augmenter considérablement. Et à Saint-Étienne, dans les années 70, il y a un élément décisif, c'est qu'en 73, il se crée une coordination des sections communistes stéphanoises sous forme d'un comité de ville. C'est une des initiatives impulsées au niveau national par Paul Laurent. Et donc Paul Chauma va devenir le secrétaire d'un comité de ville qui coordonne toutes les sections cellules communistes d'entreprise. Eh bien, nous sommes avec Daniel Durand et nous sommes en train de parler des municipales, études comparées 1935-1977, réflexion sur un paradoxe stéphanois. Donc je disais que le Parti communiste dans les deux cas, dans les deux périodes, est sur des phases ascendantes, des phases d'élargissement à la fois électoral et en force militante. On peut noter également que... j'ai indiqué tout à l'heure que la droite était en difficulté dans l'opinion publique. Et une des caractéristiques des deux périodes, c'est que le Parti socialiste n'occupe pas encore une position très forte. En 77, le Parti socialiste local est sur une tendance non mitterrandienne. C'est une tendance ex-rocardienne, CRS avec Bruno Venin, Garnier, les gens venus de la CFDT Et en En 1935, on a aussi une configuration très particulière à gauche. On a un parti socialiste qui reste faible, une SFIO qui reste faible, qui est dirigée par des anciens communistes, si on peut dire, avec Ferdinand Faure, c'est en raccourcissant beaucoup, mais c'est un peu ça. Hein, qui sont donc très minoritaires. Oui. Et on va voir un parti... républicain de gauche, avec Soulier, qui va prendre une position d'ouverture aux communistes qui n'était pas forcément évidente. Jean-Michel Je crois qu'effectivement, dans cette affaire de 1935, il faut tenir compte de ce que j'appelle l'équation Soulier. Mmh. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des trois piliers de la gauche stéphanoise. Il se trouve que pendant longtemps... Le parti radical a été, alors puisque tu parlais de la gauche au tout début de ton intervention, on peut dire quand même que Saint-Étienne a été une ville de gauche au moins jusqu'en 1914 ou en 1910. On a quelques maires de gauche, Giraudet par exemple, Ledain, Plantevin, qui étaient des maires qu'on pourrait qualifier de radical ou de socialiste. Ça dépendait comment ils se définissaient. Alors Soulier naît dans cette période, enfin il grandit, sa formation politique c'est cette période du début de l'affirmation de la République, et je crois qu'il faut bien insister sur le fait qu'il a cet héritage culturel, intellectuel, qui a été marqué par l'affaire Boulanger, donc où il y a une tentative de coup d'État d'extrême droite, par l'affaire Dreyfus, où les nationalistes ont aussi plus ou moins tenté de prendre... La force de prendre le pouvoir par la force, en tout cas de s'opposer aux principes républicains. Et Soulier est un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme dans la Loire. C'est aussi le fondateur, il ne faut jamais l'oublier, et le directeur en 1935 encore de la Tribune républicaine. Donc c'est un homme qui a un pouvoir intellectuel, un pouvoir culturel, un pouvoir d'influence tout à fait important. Et c'est un homme qui est sur cette idée que l'extrême droite est un danger permanent. Et en fait, alors qu'une partie du parti radical, depuis 1930, alors Durafour n'a pas eu l'occasion de suivre cette évolution puisqu'il est mort en 1932, mais Vernet et certains de ses colistiers vont aller vers cette tendance puisqu'ils vont soutenir Limousin, c'est-à-dire la droite en 1935, une partie du parti radical dérive vers la droite par anticommunisme. Alors peut-être, effectivement, par réaction à certaines décisions de l'époque classe contre classe où le parti communiste a refusé d'appeler à voter pour tel ou tel candidat du parti radical au second tour. Et peu importe. Alors que l'équation Soulier, donc, qui a été écartée en 1930 par Durafour, Soulier voit l'occasion de revenir aux affaires par l'alliance avec le Parti communiste. C'est un pari qu'il fait, et il le fait au nom de cet héritage historique, c'est-à-dire la droite représente un danger, elle est prête à s'allier avec Mussolini, Hitler, avec les ligues d'extrême droite. Donc il faut reconstituer le bloc républicain qui, après l'affaire Dreyfus, a permis à la gauche d'arriver au pouvoir et de faire voter les grandes lois comme la loi de 1901 ou la loi de 1905. Donc c'est ce pari que fait Soulier. Il le gagne à moitié, puisqu'au premier tour, il est quand même pas... Il arrive derrière Limousin, mais ça permet l'alliance au second tour entre les communistes et les socialistes. Alors ce que je voulais dire, effectivement, c'est qu'il y a une convergence. Le parti communiste fait un pas en direction du centre, et le Soulier fait un pas en direction du Parti communiste. C'est ça qui permet effectivement la réussite de 1935. Oui, moi je suis d'accord, il y a à la fois un ensemble de facteurs objectifs, on va dire économiques, sociaux, politiques, qui sont indispensables à ces deux événements, et en même temps l'attitude des forces politiques compte pour, en somme, parachever la réussite. Et c'est notre vrai, aussi donc du côté communiste, c'est vrai, par exemple, sous l'angle que si on avait suivi la pente politique, j'allais dire, des deux périodes, qu'est-ce qui serait passé ? Normalement, après le premier tour des municipales de 1935, la liste Ramier se serait désistée pour la liste Soulier. Mmh. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'électeurs communistes qui n'auraient pas voté pour Soulier parce que, encore deux ou trois ans avant, on mettait Soulier dans le même, sac que Vernet et tout, n'est-ce pas ? Ces attaques avaient cessé depuis un an et demi, hein, mais c'était encore très frais. Il n'y aurait donc pas eu rassemblement autour de Soulier. Et donc, ça... C'est là qu'intervient un élément important dans la direction du Parti communiste. Voilà. Donc là, la pente naturelle n'est pas suivie. Je suis d'accord. Hein. Et qu'est-ce qui va quel est le petit plus qui va faire changer les choses ? C'est en somme l'intervention d'un dirigeant national. Mais originaire de la Loire, qui s'appelle Benoît Frachon, qui est membre du bureau politique du PC, et qui suit la situation, qui connaît bien la situation, parce qu'il a été longtemps responsable régional du PC également, hein, avant d'être syndical, qui va intervenir un mois et demi avant, à une réunion du bureau politique du PC, qui va dire... En gros, qu'à son avis, il y avait une possibilité de gagner à Saint-Étienne, sur une configuration de Front populaire, et qu'il fallait être audacieux et ne pas hésiter, au lieu simplement d'appeler à voter au deuxième tour, à se désister pour Soulier, de lui proposer de fusionner, de faire une liste de Front populaire entre les deux tours. Ce qui n'était pas gagné, puisque le Front populaire était en gestation, mais... on n'avait pas encore le fameux serment du Front populaire qui sera à l'été suivant, à l'été 35. 14 juillet 35. Hein. Donc on était en gestation, oui, on n'était pas encore dans le cadre sur les rails complets Front populaire. Donc il va proposer de faire un geste assez inattendu, donc de proposer que le PC national autorise les Stéphanois, et incite les Stéphanois à proposer la fusion entre les deux tours à la liste Soulier. Et pour ça, il a le feu vert, il va descendre au lendemain du premier tour à Saint-Étienne, il va convaincre les militants communistes stéphanois de cette démarche qui n'était pas évidente, parce qu'il y aura des oppositions, il y aura des militants qui critiqueront cette position. On peut, par exemple, le père de Paul Chauma est sur une position critique vis-à-vis de cette initiative. Benoît Frachon, il emporte le morceau, entre guillemets, hein, et Ramier, il convainc Ramier, et ils vont voir Soulier, et il y a une entrevue entre Soulier, Thibault, Ramier et Frachon, et il y a accord avec ce partage maire républicain gauche, premier adjoint communiste. Et la SFIO n'est pas présente là, dans cette réunion ? Je pense que non. Hein. Je pense que Ferdinand Faure n'est pas là. Hein. Il sera mis devant le fait accompli. De toute façon, il n'a pas le choix. Il ne fait pas le poids, quoi, en termes électoraux. Oui, on rappelle qu'il y a un rapport pratiquement de 1 à 4 entre les résultats du PC et ceux de la SFIO. Et on aura un peu ce même... ce phénomène qui est très particulier. Donc la liste du deuxième tour, c'est une liste de fusion. Donc il y a quand même un mouvement. Hein. En 1977, quelle était la pente naturelle, j'allais dire ? Ça pouvait être, par exemple, d'une part, au niveau notamment de la tête de liste communiste. La pente naturelle, ça pouvait être tête de liste Michel Aulagnier, qui avait été tête de liste depuis 53. Depuis donc toutes les élections, quatre élections, oui, et qui avait eu un assez bon résultat en 65, en 71 plus difficile, qui pouvait apparaître, par contre, comme un peu, disons, grillé, si on peut dire. Et là, l'intervention, d'après, disons, les mémoires des uns et des autres, hein, c'est celle aussi d'un ancien dirigeant national, enfant du département. Ce coup-ci, c'est Charles Fitterman, un ancien membre du bureau fédéral de la Loire, qui... Et membre du bureau politique, secrétaire du comité central. Et proche de Marchais. Oui, proche de marché, oui, bien sûr. Mais il est, de toute façon, c'est un responsable clé, quoi. C'est un nouveau arrivé, au secrétariat, et qui va proposer, donc qui lui dit, voilà, il faut être audacieux. Il y a un homme qui peut faire le rassemblement parce qu'il est hors des querelles de parti, bien qu'il soit aussi membre du comité central du Parti communiste, c'est Joseph Sandel, c'est le secrétaire du DCGT. Et cette proposition, donc, elle est discutée au niveau du PC local. Elle suscite quelques interrogations, hein, notamment à la réunion du bureau fédéral, mais toute la direction, le secrétariat fédéral fait bloc, et d'accord, trouve que, et donc va s'engouffrer là-dedans. Et donc c'est la candidature Sandoz qui va être l'élément décisif, y compris dans les discussions avec le Parti Socialiste, parce que dans les discussions avec le Parti Socialiste, il y avait des discussions sur la tête de liste, il y avait, des réticences de la part des militants socialistes à une tête de liste communiste. Devant la tête de liste Sandels, ça devient plus possible, parce que, y compris dans le Parti Socialiste, il y a des militants syndicaux qui, même s'ils se sont opposés sur le terrain syndical, savent que Sandels, enfin, considèrent Sandels comme étant quelqu'un. Et donc, la présence au sein du Parti Socialiste de quelqu'un comme Étienne Chauvet, qui a été un des secrétaires de la CFDT, de Garnier, qui est aussi un élément pont entre PSU, PS... CFDT va faire accepter la liste Sandels, la tête de liste Sandels. Bien. Troisième jeudi du mois, vous êtes toujours dans l'émission du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, avec aujourd'hui Daniel Durand, invité et participant, discutant aux côtés de Jean-Michel Stenner. Oui, et donc Daniel, nous venons maintenant à évoquer un petit peu le fonctionnement de ces municipalités, l'idée de qui était un peu chère, est-ce qu'il a existé un communisme municipal à Saint-Étienne ? Oui, je veux bien, c'est un élément important. Avant, je voulais peut-être juste dire un autre élément dont il faut tenir compte, alors notamment dans l'évolution, enfin dans le positionnement des communistes, dans la place tenue par les communistes dans les deux cas, c'est que pour les deux cas, et notamment en 77, mais déjà en 35, les têtes de liste communiste et la liste communiste montrent qu'ils sont capables de représenter d'abord évidemment les ouvriers, hein, la classe ouvrière, les luttes sociales, mais aussi une certaine ouverture vers d'autres couches. En 1935, par exemple, il est clair, les militants communistes, sous l'impulsion de plusieurs instituteurs, sont très actifs dans les milieux intellectuels de l'époque, et notamment, on n'en a pas parlé, sur le terrain de la lutte antifasciste. Parce que 1934-1935, la menace antifasciste grandit, et les communistes français font partie de ceux qui ont alerté le plus et qui ont soutenu et participé au virage de l'international communiste pour abandonner la lutte contre classe contre classe et pour créer des fronts antifascistes. Il se crée un grand mouvement d'intellectuels antifascistes, c'est un mouvement qu'on appelle Amsterdam Pleyel. Et là-dedans, il y a plusieurs... il y a plusieurs instituteurs communistes dans la Loire qui créent un comité départemental. Il y a des gens comme Dolmaison, Roméas, et il y a eu d'autres instituteurs et d'autres instituteurs qui ont joué un rôle, même si, par exemple, quelqu'un comme Jean Doron, même s'il est mort prématurément, etc. Donc, il y a dans les milieux intellectuels stéphanois, qui sont quand même relativement réduits, on est dans une ville ouvrière, là encore, à l'époque, mais quand même, une petite percée, une certaine ouverture sociale. Et en 77, ça sera encore plus net à la fois... du côté de la structure communiste, le programme commun libère un peu des ouvertures l'après 68. Là, dans la Fédération communiste à Saint-Étienne, il se crée l'université nouvelle, qui va être un lieu de rencontre animé par des intellectuels communistes à la Renault, Noël Thiébault, Jo-Martin Sciot et d'autres, et qui va être un lieu de rencontre d'intellectuels. Et donc, ouverture, et la personnalité de Joseph Sandel est à examiner, parce que c'est le dirigeant ouvrier type mineur, secrétaire de l'UDCGT, mais en tant que secrétaire du DCGT, c'est lui qui a aidé fortement, dès le début des années 50, Jean Dasté, à développer une activité théâtrale dans les usines, dans les localités. Il y a donc un lien très très fort, y compris personnel, entre Dasté et Sangols, qui compte beaucoup. Il y a un deuxième élément, c'est que Sangols, donc, c'est le secrétaire de l'UD, mais c'est l'ancien mineur. Et lors de la grève des mineurs de 63, celle-ci va se dérouler très différemment de celle de 48, c'est-à-dire que, alors qu'en 48, on peut dire qu'il y a une coupure un peu entre... mouvement mineur, CGT, PC et milieu chrétien, etc., très fort dans les mines avec les Polonais, etc. En 63, les chrétiens progressistes soutiennent la grève des mineurs, il y a des quêtes à la sortie des messes, etc. Et depuis aussi, dans la CGT, les chrétiens ont acquis une place, il y a de nombreux prêtres ouvriers qui ont adhéré à la CGT ou au Parti communiste. Il y a des figures emblématiques comme Joseph Goudbarge ou Maurice Combes, qui ont été secrétaires, Joseph Goudbarge, secrétaire de l'UDCGT. Et depuis cette période, systématiquement, dans tous les secrétariats de l'UDCGT, il y a un prêtre, il y a un militant chrétien, catholique, ou voire même un prêtre, il y aura Delorme, Gaston Delorme, etc. Et la dernière chose, il y a deux liens personnels de Sandels tout au long de ces... C'est son lien avec l'SS. Ah oui. Qui est très fort. Avec la SSE, oui. Qui s'est construit au moment de la guerre d'Algérie, par exemple, avec les joueurs algériens, avec des gens avec Rachid Mekloufi. L'UDCGT a certainement joué un rôle plutôt favorable lorsque les joueurs algériens ont quitté la France brusquement et pour créer l'équipe d'Algérie représentant le GPRA à l'époque. Hein. Et le lien avec la SS est tel qu'il y a une concertation batteuse va venir à l'UD présenter la nouvelle perspective lorsqu'il y a le changement d'entraîneur après ce n'est-là, par exemple. Oui. On est dans les années 60, là. C'est avant la grande époque. Oui, bien sûr. Ouais. Eh ben, c'est le début de la grande époque. Hein. Et il y a un lien aussi, même avec Rocher. Et ce lien avec Rocher, c'est date de la grève des mineurs, des lendemains de la grève des mineurs, parce que le père de Rocher, comme patron de la Stéphanoise, la société de construction, va être un des rares patrons à embaucher des mineurs révoqués. Après 48. Mmh. Et de cette période, il y a un certain lien compliqué, mais réel, de Sandels avec... ce qui est... Donc, il y a dans les deux cas un certain élargissement de de l'assise sociétale, si on peut dire, des communistes, qui explique aussi que une influence plus grande que dans d'autres périodes plus dures, 45 ou autres. Voilà. Alors là, tu faisais, Jean-Michel, la remarque sur le communisme municipal. Pourquoi ? Parce que moi aussi, je pense que ces deux dates, dans ces deux dates, on voit donc dans les expériences municipales, la construction d'une nouvelle conception de l'action municipale qui ne soit pas uniquement une conception politique, mais de prise du pouvoir, etc., qui soit une conception de gestion au service de la population. Le programme de la liste Ramier, moi je suis surpris, lorsqu'on regarde la tribune républicaine, le programme électoral, c'est une demi-page. C'est assez extraordinaire, le programme détaillé, la qualité du programme de la liste communiste en 1935. Moi, malgré mon âge, j'ai quand même une certaine expérience des programmes électoraux, la précision, la capacité qu'ont déjà les communistes stéphanois à traiter des problèmes très concrets dans les quartiers, sur les besoins des gens, etc. Bon, Ramier va hériter de la charge des ordures ménagères, de la voirie, des immondices, puis c'était le service des immondices à l'époque. Il va hériter des questions aussi d'approvisionnement en eau et de l'adduction d'eau de la ville de Saint-Étienne, des choses très concrètes, alors qui vont parfois... Mais il y aura une volonté de faire bouger les choses, de faire avancer, donc une tentative, une municipalisation du service d'enlèvement des ordures, par exemple. Oui. Avec des débats, y compris dans le PC, parce qu'on trouvera que se préoccuper des ordures, c'est bien joli, mais enfin la Révolution, le grand soir. Et en 77, de la même manière, le programme de la liste Sandholz va être très concret, très détaillé. Il a été, par exemple, préparé, ce qui était relativement nouveau à l'époque, ça s'était un peu fait avant, mais c'est porté à un grand développement. Il est préparé par de nombreuses commissions plurielles sur la culture, le sport, sur tous les domaines de l'action qui produisent des rapports. Le CENMO conserve dans ses archives ces documents de René Hauté qui sont très intéressants parce que ça montre que la préparation du programme avait été très large et avait associé des milieux, ce qui explique aussi des conditions de succès et la municipalité donc d'Union de 77 va quand même faire avancer des choses très concrètes. Il faut par exemple rappeler simplement que la grande réforme des transports en commun à Saint-Étienne, la création du Ciotas, la page tournée de la Stas, le tramway en site propre, etc., c'est de cette époque. Ça correspondait évidemment à un besoin, à une exigence, mais de même le nouveau regard porté de nouveau sur les quartiers, c'est aussi cette époque, parce qu'avec la municipalité du Rafour, il y avait eu une tendance quand même très centralisatrice. Michel Durafour se posait la question comment contrôler la vie dans les quartiers, d'essayer de créer des maisons de quartier qui puissent concurrencer les amicales laïques. Il y aura un mouvement de décentralisation de nouveau avec la municipalité Sandholz, pour favoriser, redéveloppant les amicales laïques, mais pas seulement les centres sociaux, et donc de cette époque, là aussi c'est des mouvements nationaux bien sûr, mais vont naître les conventions avec la CPAM pour les accueils d'enfants, y compris en période scolaire, avant et après l'école, etc. Il va y avoir donc un rééquipement des quartiers en piscine, etc. Un mouvement vers les quartiers qui, même après, avec d'autres municipalités, ne sera jamais complètement abandonné parce que ça sera difficile d'aller contre. Il y aura des débats politiques normaux. Quoi. Voilà. Et une grosse action culturelle, on rappelle même la création des rencontres cinématographiques. Oui, à Saint-Étienne. Malheureusement abandonné par Dubanchet, qui lui-même l'a regretté d'ailleurs. Oui, parce que là aussi, il y a une rupture avec ce qui s'était passé avant. Parce que Michel Durafour, par exemple, je pense, avait une vue étriquée. La Maison de la Culture, il refuse de lui, que la maison de la culture stéphanoise crée, il veut en garder, en faire une chose stéphanoise et la contrôler. Et donc, il refuse de la faire passer au statut Malraux, comme on disait, c'est-à-dire des maisons, l'intégrer dans le réseau des maisons de la culture créé par André Malraux, parce que le fonctionnement aurait été complètement différent. Et là, pendant la municipalité Sandol, donc cette question du retour au statut Malraux et toute une série de débats, ça n'aboutit pas, mais c'était dans le débat. Le rappel des rencontres cinématographiques, c'est vrai, marque quand même un progrès, une rupture sur le plan culturel à Saint-Étienne. Donc, Daniel, nous sommes toujours sur la question du paradoxe stéphanois sur les municipales de 1935 et 1977. Je crois qu'il y a quelque chose qui est frappant quand même, sur lequel il faut revenir avec les auditeurs, c'est que ces deux expériences n'ont pas eu de suite. Chaque fois, ça s'est arrêté sur un échec. On va essayer de revenir un petit peu dans chaque cas. 77, l'expérience finit par... la municipalité doit durer jusqu'en 83. Il y a eu 81, l'élection de Mitterrand, le début de l'espoir qui a suscité cette élection et puis le début de désillusion. Est-ce que ça a joué un rôle, le contexte national, dans une forme de désunion qui commence à apparaître entre les socialistes et les communistes en 82-83? Alors, c'est clair que c'est bien de rappeler que la caractéristique des deux expériences, c'est qu'elles ont été uniques, elles n'ont duré qu'un mandat. Hein. Et moi, je pense que l'avènement de ces deux municipalités, donc, est dû à un ensemble de causes très complexes, hein, qu'on a essayé rapidement d'aborder. Ensemble de causes complexes, dit fragilité également, donc il suffit de retirer un boulon ou une poutre de l'édifice pour que celui-ci ait tendance à s'écrouler. Alors, de la même manière, autant les causes d'avènement sont complexes, autant les causes de la fin peuvent l'être aussi. Donc, je prends 83 par exemple, il est certain qu'il y a une multitude de facteurs. Il y a une dégradation de l'environnement politique national, parce qu'il y a eu l'élection du président de la République. Dans la foulée, il y a deux députés qui sont élus à Saint-Étienne, socialistes au sud, communistes au nord, hein, Paul Chauma, Bruno Venin. Ce qui veut dire que Saint-Étienne devient bipolaire à l'intérieur de la gauche. Il y a une bipolarité de force, de pouvoir, et donc un peu de prétention. Et au niveau national, après la première année, 83 marque déjà des débuts de tension hein, au sein du gouvernement de François Mitterrand. Et puis, il y a une poursuite de l'aggravation de la situation économique nationale et locale. Les mines, où il y avait eu une tentative de sauvetage et il y avait une grande espérance sur le 83, c'est la fin, hein, et c'est clair que François Mitterrand n'en veut pas, hein, bien qu'il, même s'il a nommé un directeur communiste au charbonnage de France. C'est le début de la restructuration de la sidérurgie. Donc, dans la Loire, c'est les Creusot-Loire, les restructurations, tout ce qui s'annonce à la fois à Saint-Étienne, Firminy, Saint-Chamond, c'est l'échec de Manu France. Et l'échec de Manu France, dont beaucoup de militants communistes ou d'électeurs communistes font porter la responsabilité au pouvoir socialiste et au niveau local, critiquent donc les représentants socialistes départementaux, dont Bono Venin, qui est un des représentants de la mairie. Et donc, de ce fait, il y a un climat, disons, qui est un climat donc, au niveau département local qui correspond au niveau national, donc, où les divisions se creusent, où on cherche plus les oppositions. Il y a des oppositions sur le devenir de la maison de la culture, entre l'élu à la culture, Alain Cornul, le maire, etc. Bon, voilà, on est donc dans une... Pendant longtemps, il faudra plusieurs mois pour que... les responsables socialistes annoncent officiellement qu'ils vont repartir en liste d'union avec Joseph Stengels. Hein. Cela va se conclure que trois mois avant les élections, ça ne va pas faciliter. Donc c'est un climat dégradé sur le plan de l'union, sur le plan économique. Et donc ça explique... Et en face, excuse-moi, en face, alors qu'en 77, la droite... et affaiblie, en difficulté. Là, elle s'est, en somme, remontée, elle s'est mobilisée. Elle est très offensive et très agressive. Voilà, elle est très offensive, y compris les divergences entre centristes, gaullistes, sont mises sous la table. La candidate gaulliste, Martine Victoire, va faire un appel à désistement sans équivoque, alors qu'en 77, on n'a pas parlé, le représentant des gaullistes de Progrès, Fournier, avait, lui, pas du tout fait un appel à voter Michel Durafour. Donc, il y a une offensive à droite, il y a une mobilisation à droite très forte face à des divisions. Et on aura pourtant le paradoxe, on aura pourtant le fait à noter, c'est que la municipalité, la liste d'Union de la Gauche va faire plus de voix en chiffre absolu, qu'en 1977. Mais elle est battue sur un fonds de mobilisation générale. Oui, en 1935, pour aller très vite, en 1935, la municipalité aurait dû donc s'achever en 1941, mais se pose la question en 1939, donc, des désaccords, de la rupture du Front populaire. Il y a le pacte germano-soviétique, qui est donc une occasion d'affrontement énorme entre communistes, socialistes, républicains, et donc qui va emporter, les causes extérieures vont emporter la municipalité. Oui. C'est difficile d'avoir un raisonnement sur les réalisations, leur valeur ou pas dans ce cas. Jean-Michel. Oui, je dirais que le lien entre les deux, c'est évidemment le retour de l'anticommunisme, un anticommunisme très, très fort en 1983. Il y a certaines déclarations de Durafour qu'on pourrait ressortir ici qui sont assez sidérantes quand on les relit. Mais alors évidemment, 1939, c'est un sommet. Parce que 1939, comme tu l'as dit, il y a le pacte germano-soviétique. Et là, ce n'est pas une élection, mais les députés communistes, enfin les conseillers communistes sont révoqués. Et Soulier fait une alliance avec le parti SFIO, qui était quand même très très faible, et réussit donc à maintenir une municipalité avec une vingtaine de conseillers municipaux sur 36. Avec Ferdinand Fort. Avec Ferdinand Fort. Soulier meurt 10 jours après. Il meurt le 8 septembre, 1939. Et Ferdinand Fort devient maire. Un peu par hasard. Et cette municipalité qui va d'ailleurs prendre des mesures très, très dures vis-à-vis des communistes. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire sur les débats qui ont lieu à l'intérieur, sur la façon dont on transforme un certain nombre de noms de rues, etc. Cette municipalité qui sera elle-même révoquée par Vichy en octobre 1940. Mais donc tout ça, cette expérience nous montre voilà, que pour que la gauche revienne au pouvoir à Saint-Étienne, il faudra faire peut-être un peu de réflexion sur ce passé historique et sur la nécessité... Il y aurait sûrement des choses à dire, y compris sur les expériences de l'après 2000 avec Gérard Limpert et Maurice Vincent. Voilà, par exemple. Et pour terminer, donc, je rappelle que le CEDMO a édité un annuaire photographique historique de militants communistes ligériens 1940-2000 qui est en vente au modeste prix de 18 euros. Et vous pouvez trouver 410 photos et notices. 400 biographies avec accompagnées de photographies. Et donc, on attend un tome 2 en septembre 2021. Voilà, nous avons terminé cette émission. Nous remercions évidemment Lionel de nous avoir accueillis et d'être resté à la technique. Et je nous vous dis au mois prochain. Au mois prochain. On rappelle quand même que le CEDMO 42, c'est le Centre d'études et de documentation sur l'histoire, la culture et la mémoire du monde ouvrier dans la Loire. Il fallait quand même le préciser. Parfois, ces acronymes sont un peu barbares. Tu as raison. Et pour le Grémos, on rappelle quand même, Jean-Michel, parce que l'agenda est forcément un petit peu léger en cette drôle de période, qu'on peut tout de même renvoyer les auditeurs auditrices sur le nouveau site dédié du Grémos. C'est www.grémos, G-R-E-2-M-O-S, tout accroché en minuscule, .fr, grémos.fr, un nouveau site en place qui est en train, voilà, comme ça, d'être alimenté hein, progressivement, de transférer les données de l'ancien vers le nouveau. Mais voilà, vous retrouverez... Et d'en apporter des nouvelles, mais voilà, beaucoup d'informations, des points sur les rencontres d'histoire ouvrière. On renvoie, en cette période un peu maigre, eh bien, aux publications que le Grémos a pu assurer. Il y en a de nombreuses, et des émissions de radio qui vont aussi être très prochainement en ligne, et donc en écoute possible, ce qui sera bienvenu en cette période, là encore, de confinement ou presque, d'autres événements, des images, des histoires, bien sûr, de l'histoire avec un grand H, et d'autres sources bibliographiques. En référence. Je voudrais juste terminer pour dire que nous avons encore un certain nombre d'ouvrages du monde ouvrier pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Grande Guerre, et que vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire du site ou par l'intermédiaire de Radio Audio si vous voulez en acquérir. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci.